fait la pute. Oui, oui. Non, non, mais c'est pas de la provoque ou un truc comme ça, ou un titre pour attirer. J'ai fait la pute ce week-end. En fait, quand Juliette m'a annoncé pour me dire qu'on ne s'installait pas ensemble dans 12 jours et qu'elle me quittait, alors que notre relation était parfaite, eh bien, je lui dis que j'allais très mal, très très très mal, et que je n'avais qu'elle et que j'allais me foutre en l'air. Très très grosse erreur. Dernière chose à faire, effectivement, pour récupérer une fille. Bon, j'ai fait le con. Mais bon, en même temps, il y avait aussi de la sincérité là-dessous, parce que je ne voyais plus aucune raison de vivre. Alors Juliette a appelé les pompiers, plutôt que venir. Je lui ai plutôt réclamé de plutôt la voir 5 minutes, 10 minutes, m'aurait fait plaisir. C'est-à-dire une rupture, non pas au téléphone, mais en vrai, m'aurait fait beaucoup de bien. Surtout une rupture où elle dit qu'elle ne veut plus jamais me voir. Donc bref, Juliette a appelé les pompiers et les pompiers sont venus chez moi. Ils m'ont longuement demandé si je voulais aller aux urgences, mais je connais déjà les urgences, j'ai déjà été il y a 3 ans, les urgences psychiatriques, on attend 3 heures, tout ça pour parler à un psy qui sert pas à grand chose et qui nous donne des adresses d'hôpital psychiatrique où personne ne s'occupe de vous, ou de psychologue à 100 euros la séance. Difficile 100 euros la séance quand on est ouais ça. Donc j'ai expliqué aux pompiers que à part le fait de m'ouvrir les bras avec des couteaux, ça allait et que j'allais m'en sortir. Les pompiers sont donc partis. Mais cela dit, les pompiers m'ont donné un conseil. C'était de ne pas rester chez moi. C'était de me changer des idées. En allant voir des amis. Ce que j'ai fait donc. Ni d'une ni deux. 3 bières. Une bouteille de whisky. Dans le sac. Je vais voir Romain à Nancy. Je vais donc à Nancy. Mais ce qui m'incite à aller chez Romain, c'est surtout qu'il me dit d'abord qu'il n'a rien. Je veux dire par là qu'il n'a pas de drogue. Parce que la drogue, c'est encore pire. Si vous voulez, quand on prend de la coke, le lendemain, on bade vraiment, vraiment, vraiment. Et c'était pas du tout mon projet à ce moment-là de bader le lendemain. Mais vu que Romain me dit qu'il a un petit peu arrêté et qu'il a pas de cocaïne, alors ça m'incite à avoir un pote un petit peu sain, pour qu'on parle de nos problèmes, de nos soucis. Car je sais qu'il avait aussi des soucis. Alors, pour échanger tous les deux autour d'alcool, sans coke, ça me plaisait assez d'y aller. Alors je vais à Nancy. Et là, Romain m'annonce qu'il va acheter de la drogue. Et quand j'arrive, c'est parti. Trace de coke sur trace de coke. Jusqu'au moment où il me montre un site. Un site internet où il est possible de faire des rencontres. Hétéro et gay. Mais surtout gay, pour baiser tout de suite. En fait, tout simplement, le milieu de la prostitution homosexuelle de nuit. Et pourquoi pas, moi qui suis toujours un petit peu bisexuel sur les bords, qui l'ai toujours été, une sorte de fantasme du moins. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, imaginons. Le cliché d'un homme gay, voyez, celui qui plaît énormément, c'est-à-dire un mec grand, baraqué, avec des abdos épilés, une grande bite, qui viendrait comme ça, qui banderait comme un taureau, qu'on sucerait bien sûr comme un chef et qui nous jouerait dessus, comme dans les vidéos en fait. Alors là oui, ça me tentait assez, oui. Alors j'ai accepté. Romain m'a dit, le mec va venir à l'appart et tu fais ça pour 60 euros. Comme ça, avec ces 60 euros, on pourra se racheter de la cocaïne. Alors j'accepte. J'attends. mélange d'adrénaline et de trac, de drogue. Et puis ce n'est pas du tout le cliché d'un lié qui arrive à l'appartement. C'est un homme d'une quarantaine d'années, 45 ans, peut-être 50, j'en sais rien. J'ai oublié son visage, mais pas son odeur. Il arrive et il se met sur le canapé et puis je me mets à le sucer, mais il se plaint assez vite parce qu'il dit que je mets les dents, il dit que je suce mal. Alors j'essaie de le branler, je fais vraiment de mon mieux parce que je l'accueille vraiment avec beaucoup de gentillesse, etc. Moi qui ai été déjà 3 ou 4 fois aux putes, c'est-à-dire aux escort girls dans les appartements, je sais ce qui me ferait plaisir. Donc je faisais exactement ce que j'aurais voulu qu'on me fasse. C'est-à-dire la pute accueillante et qui suce comme une reine. Mais là, je lui faisais toujours mal, il n'a pas bondé une seule seconde. J'ai fait quelques gorges profondes qui m'ont fait vraiment, vraiment, vraiment vomir. Presque envie de vomir avec des haut-le-cœur, des relents. Et puis, au bout d'un quart d'heure, à ne pas réussir à le sucer à cause de mes dents, malgré lui avoir expliqué de nombreuses fois que j'étais un novice et que c'était ma première fois, il m'a dit « Rends-moi mon argent ». Je lui ai dit non. Il est parti vexé. Et même quand il est parti, je lui ai encore dit « Écoute, ce que je te propose, c'est que je m'entraîne et que tu reviennes quand je sais le faire. » Il m'a dit non, non, il a claqué la porte, il est parti vexé. Les clients de la prostitution ne sont vraiment pas gentils. Avec cet argent-là, avec les 60 euros, Romain m'a redemandé 30 euros de ma poche. J'ai remis 30 euros de ma poche et avec, on s'est acheté 1 gramme de coke. Sur lequel j'ai pris quelques traces. Peut-être 2 ou 3, parce que je prends beaucoup moins que lui. En fait, quand je prends une trace, il en prend 5. Donc, sans s'en rendre compte, j'ai pris 3 traces sur le gramme. 1 gramme qui en fait bien 10 ou 15. Enfin. Je décide de ne pas rester sur cette mésaventure, parce que complètement drogué que j'étais, ça a été très frustrant pour moi de ne pas savoir sucer le mec. Alors nous passons des heures à chercher quelqu'un d'autre qui viendrait gratuitement. Quand nous trouvons quelqu'un, enfin, des heures et des heures après, lorsqu'il fait jour, à 10 ou 11 heures du matin, ou midi, je sais plus, le type arrive devant la porte. Je voudrais lui dire simplement... Je lui dis simplement, tu sais, j'ai quelque chose à te dire. Je suis hétéro, c'est ma première fois. Et il me coupe tout de suite. Il me dit, non mais j'ai pas le temps. J'ai que 20 minutes là. Allez, on monte. Bref, alors nous montons. Il dit, montre-moi ta queue. Je lui montre ma queue. Et elle me dit, ok, tu te fous de ma gueule. Alors déjà, t'es défoncé, t'es bourré, et en plus, petite bite. Pas comme sur les photos. Alors je me casse. Pareil, il claque la porte. Et là, j'essaie de le retenir. Je lui disais, mais non, mais reste. Reste un peu, laisse-moi au moins te sucer. Et il se barre en me disant, non, espèce de mytho, petite bite. Et en plus, t'es défoncé, putain, t'es alcoolisé. Et puis, il claque la porte. Voilà. Voilà mes 2 expériences homosexuelles. Que j'ai vécu en vrai comme un viol, car le premier ne m'a pas touché, certes, mais le deuxième. J'ai passé toute la journée à avoir son odeur dans ma bouche et son odeur sur mes doigts et mes mains. Et j'avais beau me laver les mains et beau me laver les dents, je n'arrivais pas à enlever cette odeur de moi. Cette odeur... L'odeur de sa queue ne partait jamais de mes doigts et de mes dents. Quand je mangeais. Je ne pouvais même plus manger car quand je mangeais, j'ai l'impression que mes doigts étaient imprégnés de son odeur. Et quand j'ai pris des trains, des métis, tout seul, pour rentrer chez moi, j'avais peur de les croiser, partout. Alors on commence à avoir peur des gens. On subit une sorte de claustrophobie, de misanthropie, où on se dit, chaque mec dans le métis là est un potentiel violeur. Si ça se trouve, le type que tu vois dans le bus est allé se faire sucer ce soir pour 50 euros ou 0 euros tout en insultant le type. C'est par là qu'on en arrive à se dire tous les mecs sont des violeurs en puissance, car qui a fait une gorge profonde, qui est désagréable, est un violeur potentiel. Et on ne peut pas exactement savoir qui, dans la rue ou dans les transports en commun, a déjà insulté un gay prostitué et ne l'a pas fait. C'était une expérience horrible.